Mendes, Max Calpel de Frey. À l'heure où le monde est plongé dans l'obscurité, où c'est Satan malheureusement qui tient les ficelles. Pouvoir, argent, drogue, sexe, crime, ne comprends-tu pas? Allume ton écran et vois. À l'heure où on vit tous mal, mais on ne le montre pas, car le bonheur vrai ne demeure pas dans ce que l'on croit. N'espère pas dans l'illusion du bien-être, la richesse, la fête et la fesse, mais pense plutôt aux frères qui pour cela se perdent et se blessent. C'est comme une lame enfoncé au plus profond de mon âme. Inspiré par le shaitan, tu défies le créateur et va à l'encontre des lois de la nature. Ton esprit dominateur détruira la terre et son humanité. Déjà tu as eu des peuples et détestes des communautés. En toute humilité, prends exemple sur Yahvé, car c'est la meilleure façon d'exister. Aimer, c'est pour ça qu'on vit. Haïr, c'est comme ça qu'on nuit et qu'on s'enfuit à chaque fois que la réalité nous ennuie. Dans les ténèbres, que tu recherches la lumière et que nos textes t'éclairent. Sache qu'il n'y a qu'une voie, qu'une seule foi, celle de Jésus-Christ. Mort pour nos péchés sur la croix, mort pour nos péchés sur la dans les ténèbres. Que tu recherches la lumière et que nos textes t'éclairent. Sache qu'il n'y a qu'une voie, qu'une seule foi, celle de Jésus-Christ. Mort pour nos péchés sur la croix, mort pour nos péchés sur la croix. À l'heure où nous sommes pervertis, où l'image de la femme est salie, on veut faire oublier à l'humain qu'il possède un esprit et non qu'un corps pour satisfaire ses envies. Frère, dis-moi, qu'il y a-t-il de plus important que ce que l'on ressent pour ce qu'on aime, nos proches, nos frères et sœurs, nos parents? Comprends que l'on récolte ce que l'on sème, que seul l'amour fait vivre. Y'a un moment pour tout sur cette terre, un temps pour chaque chose à faire, un temps pour naître, un autre pour mourir, un temps pour tout arracher, un temps pour replanter, un temps pour tuer, un temps pour soigner, un temps pour démolir et un temps pour reconstruire. Un temps pour haïr, un temps pour aimer, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Un temps pour jeter des pierres, un autre pour les ramasser. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour causer des problèmes, un temps pour les résoudre. Un temps pour se déchirer, un temps pour tout recoudre. Un temps pour se taire et un pour parler. Dans les ténèbres, que tu recherches la lumière, que nos textes t'éclairent. Sache qu'il n'y a qu'une voie, qu'une seule foi, celle de Jésus-Christ. Mort pour nos péchés sur la croix, mort pour nos péchés sur la dans croix. Les ténèbres, que tu recherches la lumière, que nos textes t'éclairent. Sache qu'il n'y a qu'une voie, qu'une seule foi, celle de Jésus-Christ. Mort pour nos péchés sur la croix, mort pour nos péchés sur la croix. À l'heure où on pense qu'à soi, pas de sentiments, rien à foutre du monde et des gens. Ce qu'on veut c'est de l'argent, frère, dis-moi pas que je mens. Moi aussi c'est ce que je pensais y'a pas si longtemps. Mais Dieu pardonne, guérit et transforme. Dans mon changement je sais que j'en ai choqué plus d'un dans ma ville. Beaucoup se posent des questions, Scalpel a-t-il perdu la raison? Mais bien au contraire je l'ai retrouvé. Croire en Dieu ne rend pas fou, m'ouvre les yeux, fait revivre des livres. Fidèle, c'est rester fidèle à la vérité, marcher sur le chemin que nos ancêtres ont emprunté. La voix du sage, c'est la parole que Yahvé a laissée en héritage dans les livres sacrés. Fidèle, c'est comme une mélodie que l'on ne peut oublier, une voix qui nous rappelle à l'ordre, une loi à laquelle il faut se plier. À l'heure où nos frères africains encore meurent de faim, les petits brésiliens asiatiques exploités dès leur sixième année de travail, des champs forcés, 10 heures par jour, 6 jours sur 7. Pour un bol de riz le soir à manger, tout cela faut pas l'oublier. Si je te raconte ces faits immondes, voir la misère, la réalité de ce monde, c'est pour que nous réagissions, nous changions et que le bien nous choisissons. Si tu demeures dans les ténèbres, que tu recherches la lumière, que nos textes t'éclairent. Sache qu'il n'y a qu'une voie, qu'une seule foi, celle de Jésus-Christ. Mort pour nos péchés sur la croix, mort pour nos péchés sur la croix. Dans les ténèbres, que tu recherches la lumière, que nos textes t'éclairent. Sache qu'il n'y a qu'une voie, qu'une seule foi, celle de Jésus-Christ. Mort pour nos péchés sur la croix, mort pour nos péchés sur la croix.